C'est bientôt les Jeux Olympiques d'été. Alors Thierry, quelles sont les chances de la France? C'est une question difficile, Natacha. Les Français sont excellents en course. Je pense qu'ils peuvent gagner le 4 x 100 mètres. Ah oui, c'est possible, vous avez raison. Et que pensez-vous de l'équipe de football? Ils jouent bien, mais à mon avis, il est difficile de gagner un match contre l'Allemagne ou le Brésil. Non, à mon avis, ils ne seront pas champions. Oh, vous êtes sévère, Thierry. Alors, dans quels autres sports est-ce que les Français peuvent gagner des médailles, selon vous? En natation, bien sûr. Notre champion national nage très vite le 100 mètres. Et aussi en tennis. L'équipe de France n'a pas perdu depuis un an.